Allez hop, on se bouge un peu là. C'est la dernière chance de se bouger ce soir. Ce soir, vous aviez Yves à la guitare. À la flûte bombarde. On peut l'applaudir. Patrice au piano. Applaudir aussi. Eric à la batterie. Allez. Bien loin de matin. Une bouteille de joker que le petit a du mal à finir. Elle regarde plein la fête de son père. Pas de frère ni de sœur à lui offrir. Une nuit j'en ai feu dans sa fête. Elle n'ignore tristement que que demain on t'en sorcelle. Je suis trop beaucoup être emprisonnée. Bien loin de ma table, des assiettes de tapas, que le petit a du mal à finir. Perdre-moi minable dans l'Espagne, tout te rend sain de tes frères, comme il doit souffrir. Une mijaudiste dans sa patrie, El Caudillo profite d'amnistie. Pour